7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Yeah. Appelle le 02 38 43 48 00. push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up, bring up my doorbell. I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Turn back till I know's gone. Bon réveil, il est 7h17, on est heureux de vous retrouver. Bah aujourd'hui le temps encore c'est pas terrible, hein. On a la météo qui arrive dans moins de 3 minutes, heureux d'être là. Salut à Jean-Charles du côté d'Olivier, salut Francky, merci de te retrouver ce matin, ça me fait plaisir, hein. Enfin de la belle musique avec Sia. Bah ouais, on est bien, welcome la famille. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Ouais, le matin c'est bien, appelez-moi 02 38 43 48 00. Si vous avez des bons plans pour sortir ce week-end, pourquoi pas, eh bien 02 38 43 48 00. Le meilleur de la musique arrive avec des bons moments. Barry White qui nous a quittés il y a déjà presque 10 ans. Ouais, ça passe. Et let the music play. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Let the music play on. Just to see Barry White qui nous a quitté un 4 juillet. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Francky dans la radio. Et je me souviens de ce son. On l'avait vu dans la bande originale du film La vérité si je mens. Un film que j'apprécie et que j'adore. Avec cette fille qu'on avait reçue en discothèque à l'époque. Ouais, sur le dance floor. Rappelez-vous, Lady avec Hazy Love sur l'air ancienne. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. I only think of you. A universal language that's understood. Please let me know exactly what you want. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. Diamantiel, bon réveil et belle journée avec le souvenir 1999, la chanteuse Lady Easy Love qui en 2008 avait essayé de refaire un titre, hein, mais ça a été un flop malheureusement. La météo qui arrive pour aujourd'hui. La météo. La météo pour ce mardi, eh bien le temps est assez nuageux ce matin avec quelques courtes éclaircies. Les températures levées du jour 15 degrés. Cet après-midi, une nette amélioration avec encore un ciel nuageux, un peu plus d'éclaircies. On va monter quand même jusqu'à 22-23 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le bruit du jour. Vous reconnaissez le bruit, vous m'appelez, je vous file le chargeur de portable pour voiture. Écoutez, c'est pas compliqué le matin quand même. Hein. Allez. Allez. Vous avez reconnu le bruit, vous m'appelez 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Caméléon qui arrive avec un peu de soleil. Masse. Dámelo, baby. Mi corazón me pide más. essentiel, 7h-9h, Francky, dans la radio, jusqu'à 9h. Jean-Pierre qui me dit c'est un bruit de clim. Non, écoute Jean-Pierre, c'est pas un bruit de clim. De clim de voiture, non, ça va pas. Non, c'est une sacrée bagnole. Vous avez reconnu le bruit, vous m'appelez 02 38 43 48 00, puis je vais vous filer le chargeur de portable pour la voiture. Eh, 02 38 43 48 00, si vous avez reconnu le bruit. Facile, facile! senses, baby. En train de danser, pas sous la douche parce que je n'ai pas la radio, mais vous pouvez danser sous la douche dans la voiture avec la bande originale du film Intouchable. C'est vrai que ce film est mémorable. Alors moi la scène qui me fait marrer, c'est vraiment celle-là, hein. Vous rappelez? Bonjour, ça va? Quoi? Je te dérange pas, Patrick Juvet, tu veux un café? J'adore cette scène. Omar Sy quand il sort le mec de la bagnole qui est devant le garage. Voilà, imprime. C'est la bonne méthode, lis tout. Emplacement réservé. Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Intouchable, quel film? Vous, c'est quoi votre film préféré? Appelez-moi, tiens, 02 38 43 48 00. Même si vous êtes sur la route de la sainte journée, sur la route du travail, ce matin, peut-être, bah ouais, il faut reprendre. Pas facile, hein. De Palmas, qui nous accompagne ce matin, et puis notre invité tout à l'heure, Johan, qui sera là pour nous parler du Durban Street Tour, le SJLB qui va bientôt démarrer. On vous en parle tout à l'heure avec notre invité en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Entre toutes vos choses, j'ai dû m'arrêter faire une course. Et j'étais trop pressé. N'aurait-on pas pu attendre un été? Je me dissocie. j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Chacun de mes pas, erreur fatale, bien le temps des regrets. Je me noie dans un verre de larmes. J'étais sur la route toute la fin de journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la fin de journée. Si seulement j'avais pu lire. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Bah ouais. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Ah ouais, parce que le bahut, je l'ai mis le jingle parce que c'est bientôt. Bah ouais, bientôt l'école. La semaine prochaine, si je me trompe pas, bah ouais, va falloir remettre les gamins. Enfin, on va être débarrassé, on va être tranquille, hein. Ça c'est sûr. Hein, Grégory? On l'adore. Grégory qui nous écoute sur le 96.2 FM. Salut la famille des Zinzins. Il est bientôt 8h moins le quart avec le meilleur des souvenirs et la version originale de Don't Leave Me This Way. Qu'est-ce qu'on aimait ce titre. Sur le dance floor, la piste lumineuse qui s'allume. Eh ouais, à l'époque on était des dieux. Les dieux de la nuit. Avec le vieux parfum qui puait. Hein. Heureux d'être avec vous, c'est Francky Réveil. Do it.

Allez, Roncel, avec Memories 2021. Coucou à Gérald qui est sur la tangentielle. Il me dit, fais gaffe, Francky, ça y est, ça bouge encore. Bah oui, cette fameuse tangentielle. Ah là là là, on pourrait écrire un roman. Ouais. Alors, le remix que vous adorez le matin et que vous nous demandez, 28 degrés à l'ombre, ce remix qu'on m'a conseillé, d'ailleurs, mon pote Olivier. Voici Jean-François Maurice sur Allez, Roncel. Votre réveil matin, c'est Francky. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I

see people party, people happy, people jamming on the party station. Oh Lord, sing hallelujah. En direct 7h, 9h, et puis notre invité qui sera là dans quelques minutes, Johan. On va parler du SJLB, l'Urban Street Tour, qui va démarrer bientôt avec un grand partenaire fast food, et puis aussi le FC Saint-Jean-le-Blanc. Notre invité Johan sera dans les studios dans moins de 20 minutes. Et puis ce titre qui cartonne sur toutes les radios. Est-ce que vous avez reconnu le sample derrière? Est-ce que vous avez reconnu la petite musique qui est derrière? Si vous l'avez reconnu, une musique très connue des années 70-80, vous m'appelez 02 38 43 48 00 et vous allez voir, ce petit remix, vous allez forcément reconnaître. Ah, c'était ça! Écoute, voici le son du week-end On the Top of the World sur Radio Arc-en-Ciel. Axel, I'm the tough on the world. C'est ce que me dit Julien. Ça, c'est le sample derrière. Vous l'avez reconnu. Bah oui, The Village People dans les années 70 avec End the Navy YMCA. Bah ouais, c'était ce sample remixé par le DJ français Bob Sinclair. Et c'est là qu'il s'appelle plaisir. Gardez le sourire, c'est super important. Avec Kevin qui met le nouvel album Dilemme qui cartonne. Et gardez le sourire, c'est super important le matin. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand on arrive au boulot avec le smile à la machine à café. Heureux d'être là, 7h09, c'est Francky dans la radio. Oui, j'en ai suivi des fêtes. Non, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mon moral n'est pas toujours à la fête. Mais ce n'est pas pour autant que je me défile. Tomber, se relever, toujours positiver. Puis rester motivé, toujours, toujours. Tomber, se relever, toujours positiver. Puis à toutes circonstances, je garde le sourire. Oh, il est grand le sourire. Je garde le sourire. Souvenirs s'effacent de mille façons, laissant la place à de nouveaux horizons. Face à l'impasse, forçons et passons pour prendre place sur la voie de la raison. Tomber, se relever, toujours positiver et rester motivé. Toujours, toujours. Tomber, se relever, toujours positiver et en toutes circonstances, je garde le sourire. Oh, il est grand le sourire. Je garde le sourire en toutes circonstances. Même si ça me blesse, je préfère courir à l'indifférence. Et je garde le sourire. Oh oui. Je garde le sourire. Oh. Je garde le sourire. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Aqui. On va le cacher à tous mes potes qui rentraient. On est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50 et on est 50 motherfuckers. Ouais, ce soir on est 50. Carolina, social artiste mafiosa sur la France, il y a déjà 3 ans, ça passe à une vitesse folle. La météo pour aujourd'hui, c'est mitigé, très mitigé d'ailleurs. La météo sur la console pour ce matin. Vous qui êtes sur la tangentielle direction le boulot, eh bien le temps est assez couvert et nuageux pour ce début de matinée. Quelques éclaircies cet après-midi avec encore des nuages et quelques petits rayons sous le sol, mais très timides. Les températures 13-14 degrés au lever du jour et on ne dépassera pas les 22-23 degrés. C'est vrai qu'on a eu un été carrément, mais alors carrément pourri, faut être honnête. Non mais sans déconner. L'été de merde, faut être honnête. Because of You, une chanteuse qu'on adore sur Radio Arc-en-Ciel avec la belle Kelly Clarkson sur votre radio couleur. Because of you, Kelly Clarkson. Et 13 ans déjà, avec Because of You. Je regarde un petit sondage en France là, sur les vieilles pubs que vous adorez. Eh bien, Michel Leb, rappelez-vous, avec la pub Bégon Jaune, Bégon Vert, arrive dans les trois premières places. Mais si, on se rappelle de cette vieille pub à l'ancienne, écoutez. On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les. Il y a rien, jaune, voilà. Et contre les. Bah, y a rien, bégon, voilà. Bégon jaune, bégon vert, entre gris. Ça là, elle arrive par les meilleures pubs des années 80 qui vous ont fait marrer. Hey baby, I love you. Maître Gims qui arrive. On aura aussi Barry White, Despacito et Enamor la mer. I love you, I need you, I need you. Mon cœur ne bat que pour toi. De ton amour dans mes nuits. Au creux de tes bras, je n'ai besoin de rien. Comme dans un rêve où je me sens bien. Tu fais de ma vie un paradis. Viens et danse avec moi. For the bread and butter, yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat, that's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they gonna have to kill me. Even when you're gone, I'ma hunt you like a Chris Webber timeout final four. So to the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do its part, you my heart for sure. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Sur la rancelle, l'un de vos titres préférés des années fin 90, début 2000. Il fait partie des 6 meilleurs avec Mister President à l'ancienne et Coco Jumbo. C'est sur votre radio couleur. To the groove. Watching lovely ladies as I smooth as they move. Cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco. Put me up, put me down. Put my feet back on the ground. Put me up. Girl, kinda smooth too, cause there's one man that you and that's me. See, so let me show you around while you sip your TG. But no Coca Loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when you shout that Jumbo. Now I gotta go, yo Coco. Put me up, put me down. Put my feet back on the ground. Put me up. Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Radio Conciel. spécial 8h30, on est en direct 96 FM. Ça fait plaisir de vous retrouver avec le meilleur des souvenirs qui arrive, puis notre invité qui est dans les studios. On va l'accueillir dans 3 minutes, c'est Johan. Eh ouais, on va parler de sport tout à l'heure. Ça va se passer au mois de septembre, un dimanche, et bien dans moins de 3 minutes, juste après Barry White, avec quelle voix, Hello First, the Last, My Everything, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. En 2003, ça va pas nous rajeunir, hein, mais c'est le ténor de la musique. Là, j'adore ce mec, franchement, sur scène. Je l'avais vu à Paris une fois, il déménage. Notre invité qui est là, il arrive dans moins de 4 minutes. On va parler de sport, de football, de suite, hein, de football. Vous allez voir, c'est un 12 septembre, c'est sur un fast-food, un grand fast-food d'Orléans. Et il est notre invité ce matin, il est venu nous voir après avoir reçu hier une fille qui avait fait le tour de la planète en pouce, avec le pouce comme ça. Elle est partie 8 ans, elle est rentrée hier à Orléans, elle nous a accordé son première interview sur un arc-en-ciel. Et ça nous a fait plaisir. Et bien notre deuxième invité de la rentrée, il est là, il s'appelle Johan, dans moins de 3 minutes. Tu me demandais comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. cette solitude qui me mange, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. Sans toi, je m'ennuie, je souris quand je pense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Plus les années passent, plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. Portera ton absence, je t'attendrai encore, encore et encore. J'attendrai que tu rentres. Tu vas me manquer. On est heureux de vous retrouver, Francky, dans la radio, 7h-9h, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Coucou à José, qui est du côté de Saint-Jean-de-Blanc, qui m'envoie un petit message. Salut Francky, je vais bosser, ça me fait plaisir d'entendre le matin. Ouais, c'est vrai que c'est la rentrée. Et puis merci à la REP aussi, qui nous ont fait un bel article, ça me fait vraiment, vraiment zézir. Alors Joël aussi, et Olivier, qui sont la route du boulot. Salut Francky, on est à fond à Saint-Yves, on t'écoute dans la bagnole. Bah ouais, en plus la grosse bagnole. Et puis nos invités qui arrivent dans moins de 3 minutes, le SJLB, l'Urban Street Tour, on en parle. Ça va se passer le dimanche 12 septembre du côté d'Orléans. Eh bien, on en saura plus dans moins de 3 minutes en direct à la radio. Y sé que tú estás más que el oro. Me excita como el sudor moja tu pelo. Si te ve mi abuelo, mañana hay un duelo. Tírate al suelo, caramelo, y deja que tu papi te lleve al cielo. Enamórame, oh, so say no more. Enamórame, el amor, acuérdate de esto, aquí no hay secreto, otra copa más y acabemos con esto. Enamórame, on se sera moi, enamórame. Papi Sanchez, ouais. 8h42 minutes, on est heureux de vous retrouver. Vous êtes nombreux sur la tangentielle à nous écouter. 96.2 FM, heureux d'être là. C'est Francky dans la radio depuis 8 ans déjà. Hein. Et ouais, ça fait du bien. Puis nos invités qui arrivent, ils arrivent dans les studios. C'est parti. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Mais qu'est-ce que je dis, l'invité du jour, les invités du jour. On va appeler Pascal qui nous fait tous les jingles. Il va nous les refaire avec des S à inviter. Parce qu'il y a deux invités aujourd'hui. On va accueillir Johan. Bonjour Johan. Bonjour Franck. Comment tu vas bien? Bah impeccable. Ça va, pas trop dur le réveil à 8h. 8h, la rentrée, les vacances. Ouais. On est présent. Ouais, on a l'habitude de se lever. Moi je me lève à 6h. Bon ça va. Hein, mais bon. Et puis Damien qui est là si je me trompe pas. Bonjour. Comment tu vas bien? Damien, je t'ai déjà vu à la radio, je crois, non? Je suis déjà venu il y a quelques temps. Ouais, Orléans. J'ai présenté un site qui parlait du foot. Ah ouais, d'accord. Et bah tu vois, et à l'instant, je viens de me photographier ton visage. Je dis, mais je l'ai déjà vu à la radio. Ah oui. Ouais. Super sympa, Damien. En tout cas, heureux de te retrouver après quelques années sur Radio Arc-en-Ciel. 34 ans d'existence, la radio. Voilà, c'était l'existence de cette radio qui est collecteur en Orléans. Une des premières radios orléanaises avec la radio avec un grand V. Voilà, je vais pas donner nom parce que j'ai bossé là où je peux pas. En tout cas, ça va bouger en Orléans. Hein, ça va bouger et ça fait plaisir de voir des gens dynamiques comme vous qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de faire bouger. Et là, on va parler de football. Voilà. Et pas n'importe quel football, Johan, je vais te laisser la parole. On va parler de SJLB Urban Street Tour. Ça va se passer le dimanche 12 septembre sur un parking d'un grand fast-food orléanais de 9h à 12h. On va en savoir plus avec toi. Alors explique-nous un petit peu, parce que là j'ai parlé un peu en robot peut-être pour les auditeurs. Ils disent c'est quoi, hein, le SJLB Urban, ouais. Johan. Donc déjà, SJLB c'est Saint-Jean-le-Blanc. Ah, hein, football, suis... salut au club de Saint-Jean-le-Blanc. Tout à fait. Donc moi je suis le référent marketing. D'accord. Damien qui est à côté s'occupe de la communication. Et le football a repris un petit peu ses droits là après 10 mois d'arrêt d'absence. Ouais, de complet de compétition. Donc le JLB Urban Street Tour, c'est une action marketing avec le fast food en question. Voilà. Et l'objectif hein, de... Alors je sais pas si c'est contradictoire fast-food et football. On peut manger des burgers ou alors après on fait du sport justement. C'est de 9h à midi. Donc après à midi chacun mangera ce qu'il voudra. Et donc effectivement avec Damien qui est sur la com, on a fait un brainstorming pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire comme action un petit peu originale, parce que effectivement on a besoin de se développer, de trouver des partenaires. Et moi j'ai grandi dans les années 90, donc il y avait pas de smartphone, pas de Netflix, ni rien. Bah à l'époque on sortait dehors, on jouait au football dans la rue, dans les quartiers, avec pas grand chose. Voilà. Avec des vieux ballons tout pourris. C'est ça. Et c'est ces souvenirs-là qui nous sommes revenus. Et étant originaire d'un quartier aussi, moi je viens de Saint-Jean-de-Bray, Pont-Bordeaux. C'est vrai que les meilleures parties de football, c'était ça. C'était devant l'immeuble. Hein. Voilà, devant l'immeuble, après l'école, avant de faire les devoirs. Et puis on avait besoin de, c'était pas grand-chose pour faire des buts, deux trois copains et puis c'est c'était parti. Et je me rappelle aussi du vieux ballon de foot qu'on trouvait, qui était tout pourri. Nous, on voulait pas des ballons tout neufs, on voulait des vieux ballons tout pourris. Hein. C'est ça. Donc le SJLB Urban Street Tour, c'est un show d'abord sportif. Mmh. Et puis un autre secteur d'activité qui a souffert et là effectivement toi qui es un peu dans la partie le milieu artistique énormément ouais. Donc, l'idée c'était aussi d'associer les artistes, chanteurs, c'est ça, des chanteurs, il va y avoir des danseurs, il va y avoir la troupe tu peux le dire hein, les noms de ouais, troupes, mais ouais. OP Crew. Ouais. Donc ils sont très connus hein, puisqu'ils ont, je crois, gagné la Coupe de France de hip-hop. D'accord. Donc ils seront présents. Et on a aussi l'association Foot Freestyle. Ouais. Donc qui fait du freestyle de rue. De rue. Ouais. Voilà. Donc c'est associé au club de Saint-Jean-le-Blanc pour cette première édition. Le club de Fleury-les-Aubrais. Ah, on les salue. On est dans notre ville, hein. On est à Fleury-les-Aubrais. Voilà. On salue Carole Canette, la mère de Fleury, qui devrait venir à la radio normalement cette semaine. C'est prévu. On lui en parlera, je toucherai deux mots. Voilà, donc ça sera donc de 9h à midi. Ouais. Et l'originalité, ce sera effectivement sur le parking du fast-food. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi un parking de fast-food et pas un autre endroit? Je sais pas, c'est une question bête peut-être. Damien, peut-être que Damien veut parler un petit peu, non? Oui, c'est vrai, Damien. Oui, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que du coup, en discussion avec Johan, avec qui je travaille en étroite collaboration. C'est peut-être votre public, vous touchez votre public par rapport à ça. Ouais, voilà, on a voulu commencer sur un public plutôt jeune, du coup. Donc, pour cette première édition, ça sera des U14, U15, donc des enfants de 14-15 ans, des équipes de Saint-Jean-le-Blanc et de Fleury qui vont participer. Et on se dit, oui, tiens, ça peut être un endroit dans lequel ils ont l'habitude de se retrouver, dans lequel, voilà, ils s'identifient un peu aussi. Et ça peut être une manière de concilier, voilà, la pratique du foot, de l'urban foot. Ouais. Et puis un peu, voilà, de ce qu'ils connaissent en dehors, voilà. Ouais. Tout de suite, le partenaire a été d'accord quand vous avez proposé le projet, quand vous avez été les rencontrer, ça leur a plu? Oui, donc on s'est rencontrés, on a effectivement évoqué la possibilité de le faire parce que, bon, même si on sort de 10 mois de galère, c'est pas fini. C'est pas fini, mon avis. Hein. Voilà, il faut respecter tout ce qui est distanciation sociale, passe sanitaire. Donc, Justement, on parle de Covid, passe sanitaire. Il sera obligatoire le passe ou pas? Non. Oui, on aura des gens à l'entrée qui vont contrôler les passes. Ouais, parce que c'est en extérieur, mais effectivement, dans la pratique et dans les compétitions de football, le passe sanitaire est obligatoire. Voilà. Alors les jeunes, ça va peut-être leur donner aussi envie de découvrir le football, parce que certains ne connaissent pas forcément le foot, leur donner envie, peut-être c'est ça aussi, mélanger de plusieurs cultures. Hein. Voilà, l'autre levier effectivement, c'est de redonner envie aux licenciés de reprendre une licence, parce que cette période d'arrêt a fait perdre beaucoup quelques licenciés. À tous les niveaux, hein. Il n'y a pas que le foot, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que ce petit coup de marketing, on va dire, peut donner l'envie aux jeunes de devenir et se dire, moi j'ai envie de jouer au foot cette année. C'est ça. Ça peut être ça. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on te remercie encore de nous recevoir. Ouais, on est là pour ça, on est payé pour ça, nous. Hein. De cette activité, parce que c'est vrai que ces 10 mois ont été longs. Dis-moi, ça a été long, Damien, en mode Covid pour le football en général. Il n'y a pas que le football. Hein. Oui, parce que là, vous êtes invité, si on parle de foot, on pourrait parler de plein de choses. Mais ça a été très long. C'était très long. Si on va parler au niveau du foot, c'est vrai qu'en termes de pratique, pour tout licencié, quel que soit l'âge, le manque de compétition, de se retrouver le week-end, de voir les samedis, les stades sont un peu vides, on sait pas. On a l'habitude d'aller voir les matchs, puis après, justement, on sort, on va boire un verre, quelque chose. Là, c'est un peu terminé ou ça revient progressivement? Ça revient gentiment, on va dire. Mmh. Quelle est l'ambiance, toi qui fréquentes les stades régulièrement, l'ambiance en ce moment, en général? On parle de Saint-Jean-le-Blanc, mais... En ce moment, j'ai quand même l'impression que... Les familles sont là, les jeunes sont là. Les gens sont contents de se retrouver, de revoir que ce soit du foot ou une autre activité, de retrouver un événement où il y a du monde, il y a un peu d'émulation de ce côté-là. Et les gens sont plutôt contents de revenir. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est vrai qu'on croise tous les doigts pour que ça dure et que ça... qu'il n'y ait pas une troisième vague ou une cinquième vague ou une douzième vague. On s'en sort plus. Moi, je pense pas, parce que bon, il faut être honnête, en France, financièrement, il faut être honnête, l'État a quand même pas mal donné. On a critiqué l'État. Ils ont beaucoup donné. En tout cas, on va donner cette date, on vous la rappelle. Dimanche 12 septembre de 9h à 12h. C'est à Orléans, sur le grand parking du fast-food qui est bien connu, du côté de Saran, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc c'est l'origine. Il y aura quoi alors? Vas-y, sur place. On disait, il y a des groupes, il y a des chanteurs. Comment ça va se passer? Les gens vont jouer au foot, ils vont découvrir les artistes en même temps. Ça va être homogène, tout ça. Ça va être mélangé. C'est ça. C'est l'idée. C'était vraiment de faire un microcosme urbain. Donc il va y avoir effectivement donc un tournoi de foot en 3 contre 3. Donc on l'a dit, les clubs de Saint-Jean-le-Blanc et puis de Fleury les Auvrais. Et effectivement entre les matchs, il y aura de l'animation artistique avec la troupe de danseurs et puis aussi le foot freestyle. Ouais. Et donc l'idée effectivement, c'est que ce soit les jeunes et les moins jeunes viennent au son du rythme urbain, puisqu'il y aura un DJ aussi sur place. Ça va être bon là. Ouais, ça va bouger. Ça va bouger. Voilà, l'objectif c'est vraiment que chacun puisse venir comme il est. Et les artistes alors sont contents, je suppose, quand vous allez les contacter, leur dire on va faire ça et ça, ça l'air aussi un petit peu le pied à l'étrier après des mois d'absence. Voilà, c'est ça, on a pris contact avec la Zelco. Qui nous je les salue d'ailleurs, j'ai bossé beaucoup avec les Azelco. Ouais. Ouais, je salue Saïd, Azelco, La Source, La Bolière, tout ça, les amis d'enfance, on va dire. Voilà, donc qui ont été un facilitateur de contact, parce que c'est vrai que il y a pas trop de shows street un petit peu urbain sur Orléans. Voilà, et donc moi qui vais de temps en temps à Paris, on voit beaucoup d'artistes de rue comme ça, et c'est vrai que ce soit devant les gares etc, ça plaît au public, les gens s'arrêtent. D'accord. Donc on a voulu aussi reproduire cet esprit là. Un bel esprit, en tout cas. Le but aussi, c'est de ramener des jeunes pour leur donner envie ou pas, donner goût au football, et peut-être ceux qui ont arrêté l'activité de venir reprendre progressivement. C'est ça. L'autre volet aussi, c'est que c'est un volet social. C'est aussi de donner une belle image aussi des quartiers. Faut pas dire que tout le monde est dans les quartiers enfermés, cloîtrés. C'est ça. C'est le sport, ça rassemble. Donc seront invités au SJLB Urban Street Tour, principalement des clubs de quartier. Donc là, on démarre avec Fleury les Aubrais, et puis c'est aussi effectivement de montrer une belle image que dans les quartiers, il y a de la joie, il y a de la solidarité, il y a du sport, il y a de l'artistique. Donc on a hâte d'y être. On a hâte d'y être, en tout cas. Puis aussi le côté respect du football, des règles, des arbitres, par exemple. On parle régulièrement dans le monde du football, que les arbitres sont des fois malmenés, entre guillemets. Ouais. Peut-être montrer à cette jeunesse pourquoi et à quoi sert un arbitre, Damien, c'est ça? Pourquoi il est là? Pour donner des règles. Tout à fait, pour montrer que il est là pour diriger le jeu, pour accompagner. Sans eux, il n'y aurait pas de match, tout simplement. Comme on dit, on dit toujours les 22 acteurs, mais il y a aussi l'homme en noir au milieu qui est là pour... Il n'a pas la meilleure place. Il n'a pas la meilleure place. Il est pas souvent aidé. Alors après, des fois, il met une vidéo en plus, mais des fois, c'est pas dit que ça l'aide non plus. Ouais, c'est vrai. Et non, c'est un tout qui fait que on doit justement tirer tous dans le même sens pour le bien du football et de la vie en général. Et effectivement, on va insister sur le fait que l'état d'esprit sur cette action est très importante. C'est-à-dire que la compétition vient vraiment dans un deuxième temps. On est vraiment... Le but, c'est pas d'être premier, d'arriver premier au tournoi. Non. C'est le beau geste, le côté artistique, le show. Et effectivement, ça change un petit peu de ce type de rencontre interclub. C'est que derrière, c'est une vraie expérience humaine. Si vous êtes de l'autre côté de la radio, le 12 septembre, c'est un dimanche, et de 9h à 12h, on rappelle, sur ce parking de Saran, un grand fast-food, on peut pas le rater, il n'y en a pas 50 000 non plus. Non. Tout le monde peut venir, si les parents nous écoutent, le fils est footballeur, il est en bagnole avec le père, il a envie d'y aller, il peut venir. Tout le monde peut venir, faudra juste avoir son passe. Son passe, pour respecter les règles de distanciation. Le masque aussi, peut-être, non? Peut-être pas pour jouer au foot? Non, c'est un peu compliqué là pour jouer au foot. Ouais, ça va être compliqué. Mais oui, pour les spectateurs, le port du masque. En tout cas, c'est une belle aventure. C'est une première. Ça, c'est la première. Il y en aura d'autres, alors? Oui, oui, oui. Alors, c'est quoi? C'est en fonction de la réussite ou alors il y en aura d'autres? Non, même si ça marche pas, admettons. Je sais pas, mais j'espère pour vous que ça va marcher, bien oui, sûr. Oui, oui, ça, de toute façon, le football plaît, hein. C'est, en général? Ouais. Oui. Ouais, ouais. Donc, là, on est en train de discuter de préparer la deuxième édition avec l'Escale. Ah, Escale, la source, je les salue. Voilà. Ouais, une grande, des grandes personnes. José Suarez, que je salue au passage. C'est ça. Tu connais? Ouais, ah, ouais, bah, on connaît très bien. Bah, José, je le salue. Alors, s'il nous écoute, ça me fait plaisir. Eh bien, en tout cas, de belles actions. D'autres choses à rajouter, Damien, peut-être, pour ce dimanche 12 septembre, de 9h à midi? Eh ben, juste que nous, on a communiqué dessus sur notre page Facebook du club, donc du FC Saint-Jean-le-Blanc. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos dessus où on a créé un événement. Donc, n'hésitez pas à venir dessus, à poser vos questions si vous en avez. D'accord. On sera là pour y répondre. Et on vous attend tous, du coup, nombreux et nombreux pour ce 12 septembre. Voilà, donc l'événement sur Facebook, il s'appelle comment? SJLB Urban Street Tour. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et si vous voulez d'autres renseignements, on peut vous contacter, les gars, sur Facebook? Oui, oui, vous pouvez nous contacter. Et puis, de toute façon, il y aura de la musique le dimanche 12. Donc, si vous entendez, vous pouvez venir. C'est un show qui est gratuit. Et ben voilà, c'est gratos. En général, les gens, ils aiment bien quand c'est gratos. Hein. En général, les amis. Hein. En tout cas, merci les gars d'être venus. Un dernier mot à rajouter, Damien ou Johan, avant de se quitter, là, sur cette belle interview. Non, ben merci à toi. Ouais. Et puis, longue vie à Radio Arc-en-Ciel. Ouais, ben 34 ans, on va attaquer la 35e année. Hein. On va y rester ici. Hein. Ouais. Et ben vous revenez quand vous voulez, quand vous avez des événements à nous proposer. On a un peu là pour ça aussi, hein, pour relayer les bonnes informations sur la région. Et en plus, Saran, on n'est pas loin. Hein. Fleury, Saran, c'est à 2 minutes. Hein. Merci Johan, merci Damien. Merci à toi. Merci, je vous rappelle la date, hein, le dimanche 12 septembre de 9h à 12h, le SJLB Urban Street Tour. Si vous aimez le football, si vous aimez la musique, la danse, et puis la joie, la bonne humeur, de voir du monde, eh bien n'hésitez pas à vous rendre à ce bel événement dimanche 12 septembre. On en parlera à la radio, hein, d'ici là, on a encore le temps, encore 12-13 jours, on vous parlera de ce bel événement. Voilà, Radio Arc-en-Ciel, bientôt 9h, avec du son qui arrive, et Avamax, la radio couleur, en direct à la radio, et ça me fait plaisir. Queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. And then without me, you wanna, but you can't. Mama, think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake. There's only so much I can take. I'll show you how. Max, j'adore ce son avec King of the Queen. Ne ratez pas cet événement le dimanche 12 septembre sur le parking de ce grand fast-food à Saran. Voilà, du football, de la musique, des rires, des enfants, de la bonne humeur. C'est quand? Bah, c'est tout de suite, Grégoire, mon ami. Ah, mon poteau. Et puis, on va se retrouver avec RDP International. Et puis demain, encore des invités. Toujours des invités avec, ce sera la ville d'Olivet, l'Alliage, qui seront au téléphone avec nous. On va parler de concert avec eux et ça va être énorme. Bien, d'ailleurs, je salue le maire d'Olivier qui nous écoute régulièrement. Voici Greg, mon poteau. C'est quand t'arrives, dans combien de temps? C'est quand t'arrives et que tu me dis, allez viens, viens maintenant, c'est le moment, dis-moi c'est quand. De tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. Avec Grégoire, c'est quand? Demain, bah, demain, 7h-9h. Heureux d'avoir été avec vous. Salut à Ludo qui nous écoute. Salut à Jean-Pierre aussi, la famille. Rendez-vous demain. C'est RDP International et le Portugal qui arrive. Forza, bon dia la famille. Muito bom dia, são 8 horas da manhã em Portugal.